Chapitre 9e. Bien des fois déjà, j'avais demandé aux Français résidant à Rio où il faudrait aller pour trouver des Indiens. Je n'avais reçu aucune réponse satisfaisante. D'après la plupart de ces messieurs, les Indiens n'existaient presque pas. C'était une race perdue. Cependant, il me semblait qu'il devait en exister un peu quelque part. J'en voulais à tout prix. J'avais vu des nègres en Afrique. À Paris même, il y a des nègres. Je ne tenais pas aux nègres. Un jour, enfin, j'entendis parler d'un Italien qui habitait depuis une huitaine d'années l'intérieur du Brésil, avait acheté des terrains dans les forêts vierges de la province de l'Espiritu Santo et faisait le commerce de bois de palissandre. Celui-là devait savoir à quoi s'en tenir sur la question des Indiens. J'exprimai le désir de le connaître et on me promit de me présenter à lui dès qu'il viendrait à Rio. En effet, bientôt on l'amena dans mon atelier et précisément un jour où je faisais le portrait en pied d'une charmante brésilienne, la fille du ministre des Affaires étrangères. La circonstance était bonne pour mon futur hôte, qui naturellement avait besoin de protection. Je fis de mon mieux pour lui payer d'avance l'hospitalité qu'il serait heureux, disait-il, de m'offrir. Je le conduisis chez les personnes dont le crédit pouvait lui être le plus utile. J'intercédai en sa faveur plus que je ne l'aurais assurément jamais fait pour moi-même, et il obtint tout l'avantage qu'il pouvait tirer de l'intérêt aimable qu'on voulait bien me témoigner. Aussi n'épargna-t-il aucune des formules de la reconnaissance la mieux sentie pour me remercier. Je n'avais qu'à me fier à lui pour écarter devant moi toutes les difficultés du voyage. Je ne serais pas son hôte, mais son parent. Tout ce qui était à lui serait à moi. Il s'empresserait de mettre son logis et tout son monde à ma disposition. Bref, j'étais enchanté et il fut décidé que je m'engagerais dans les contrées les plus sauvages sous la direction et la protection du seigneur X. Sur le point de partir, il me vint en tête de faire une chose dont je n'avais aucune idée, de la photographie. Comme je n'y comprenais rien, j'achetai de vieux instruments tout désorganisés, des produits avariés, et un livre quelconque avec l'intention de l'étudier en route. Le 2 novembre, le seigneur X et moi, nous nous embarquâmes sur le navire à vapeur le Mercure, traînant à notre remorque un petit vapeur destiné à remonter le fleuve de l'Espiritu Santo. La mer était mauvaise, il ventait. Ce navire à traîner retardait sensiblement notre marche. La plupart des passagers étaient des colons allemands qui allaient grossir le nombre de leurs compatriotes déjà établis sur les bords du fleuve. Notre vapeur n'était pas très grand et plusieurs de nous couchaient dans des espèces d'armoires construites sur le pont. J'étais dans l'une d'elles et comme le roulier était très fort, j'avais pris le parti de rester dans la position horizontale toute la journée. Pour tout dire, ce n'était pas la seule cause qui me retint couché. Depuis quelque temps, j'étais malade par excès de travail, et aussi, par suite de ma manière de me nourrir, ne mangeant guère que des fruits et des salaisons. Le pire était que nous approchions de l'hiver, époque où la terrible fièvre jaune jette l'épouvante dans toute la contrée. Cependant, la troisième nuit de notre navigation, le sommeil, dont je ne connaissais plus depuis quelque temps les douceurs, venait de me surprendre quand une détonation épouvantable m'éveillait en sursaut. Une grande lueur, paraissant sortir de la mer, reflétait et rougissait nos cordages d'un éclat sinistre. Des cris partaient du navire auquel nous étions liés. À ces cris succédèrent des gémissements. À la lumière rougeâtre succéda aussi l'obscurité la plus profonde. On se sépara du navire en larguant les amarres pour ne point se laisser gagner par le sinistre. Puis notre capitaine ordonna de mettre deux embarcations à la mer. On s'empressa de lui obéir. Mais il faut savoir que les équipages des navires brésiliens sont en partie composés de nègres et que le service ne s'y fait pas très promptement, malgré la bonne volonté des officiers. Un homme se plaça près des amarres, une hache à la main, et au signal donné, je vis enfin s'éloigner, malgré le vent, une première embarcation qui ne tarda pas à se perdre dans les ténèbres les plus épaisses. L'autre, repoussée avec force par les lames, ne put se séparer de notre bateau. Elle fut sur le point de s'y briser. Parmi les passagers, aucun ne parlait. On regarde avec effroi de petites étincelles s'élever de seconde en seconde au-dessus du navire que nous avions remorqué et qui, à 7 heures, était déjà loin de nous. On entendait un bruit confus, des plaintes lointaines. Le vent les emportait dans l'espace, et cependant, des coups de hache, des notes lamentables, se mêlant au bruit des flots, venaient d'instant en instant porter le trouble et l'effroi dans nos âmes. Enfin, sous notre ombre, un point se dessina entre deux lames se perdit, reparut, et au milieu d'un silence de mort, nous vîmes hissés vers nous, trois corps n'ayant presque plus figure humaine. Nous apprîmes alors que, pour alléger autant que possible la charge de notre navire et accélérer sa marche, les hommes qui étaient à bord du petit vapeur avaient chauffé outre mesure ceux qui avaient fait éclater la chaudière. Un incendie commençait à se propager lorsque les matelots de notre embarcation étaient arrivés fort heureusement pour l'éteindre. Ils avaient coupé quelques parties déjà endommagées et donné les premiers secours nécessaires à trois de leurs malheureux camarades. Ces hommes, qu'on avait montés à notre bord, n'étaient pas tout à fait morts comme on l'avait cru au premier moment. On les enveloppa dans des draps imbibés d'huile. La douleur les rappela à la vie. On les coucha ensuite avec le plus grand soin. Il était décidé qu'on les déposerait à Victoria. Notre docteur espérait en sauver deux. Le troisième, un nègre, n'était qu'une plaie de la tête aux pieds. Celui-là échappa aussi à la mort. Je le revis longtemps après. Il était devenu blanc et noir. Sa peau était tigrée de la tête aux pieds. Les brûlures sur les peaux noires laissent des traces blanches. Cette triste aventure nous avait fait perdre beaucoup de temps, et il fallut mouiller en pleine mer pour ne pas nous briser en essayant d'entrer à Victoria pendant la nuit. Ce fut seulement vers 8 heures du matin que nous entrâmes dans les eaux de Victoria. Longtemps avant de débarquer, on échangea des paroles, à l'aide du porte-bois, avec un personnage monté sur un affût de canon. Nous passions devant la fortalesca, et je ne sais si c'est un effet d'optique, mais le drapeau qui flottait sur cette petite forteresse me parut plus grand que le bâtiment tout entier. Mon hôte italien alla chercher par la ville des hôtels. Il y en avait un, mais quel hôtel et surtout quel lit! Je fis mettre un matelas sur un billard, et au grand désappointement de quelques habitués, je coupai court aux réclamations en tirant un verrou qui put rivaliser avec ma clé du palais. Brisé de fatigue, par notre désagréable navigation et par des émotions qu'il est facile de comprendre, j'aurais dormi, je crois, même sur un billard. Mais, vers 9 heures du soir, des cris, ou plutôt des hurlements, qui n'avaient rien d'humain, poussés par des nègres, me firent sauter brusquement à bas de mon lit. Je me précipitai vers une fenêtre, d'où je pus voir une foule qui se dirigeait vers un grand bâtiment. Ce bâtiment était une église, ces cris étaient des chants religieux poussés par les gens de couleur, qui sont coutumés du fait, et qui, en hurlant, se figurent qu'ils chantent leurs prières. Je m'habituai peu à peu à ces mœurs étrangères. Le lendemain, mon hôte italien vint présenter avec moi les lettres de recommandation qu'on m'avait données pour le président de la province, le chef de la police et quelques riches particuliers. Dès ce début, je vis avec plaisir que le signor X était un homme habile et qui savait tirer parti de tout. Il me donna vraiment bonne opinion de lui. Ses lettres me concernaient particulièrement. Quand on les avait lues, il me traduisait quelques mots de compliments, d'offres de service, puis aussitôt, sans transition, il entretenait ces messieurs de ses intérêts et faisait appel à leur bienveillance en leur expliquant longuement les projets merveilleux qu'il avait conçus dans le seul but d'être utile au pays. Cela fait, nous partions, lui, fort satisfait, et moi me demandant si c'était bien là le but que mes hauts protecteurs de Rio s'étaient proposé, en prenant la peine d'écrire en ma faveur les lettres dont un autre se servait à son profit. Cependant, je dois reconnaître que grâce à l'une de ces épîtres bienveillantes, on nous prêta des chevaux et un nègre chargé de les ramener du lieu où nous nous proposions de nous rendre. Il avait été résolu que nous laisserions nos bagages à Victoria, où, dès notre arrivée à Santa Cruz, on enverrait des canots. Notre départ ayant été remis au jour suivant, j'allais visiter la ville et les environs. J'y trouvais enfin le commencement de ce que je venais chercher, des Indiens. Quelques-uns de ces pauvres anciens sauvages demeurent dans ce qu'on pourrait appeler des faubourgs, si Victoria était réellement une ville. Ce qu'ils habitent ne ressemble guère à des maisons. Ce ne sont pas des cases non plus. Pour mon goût, ces Indiens-là n'étaient pas encore assez naturels. Un peu de civilisation avait déteint sur eux et ce peu était déjà beaucoup trop. Dans plusieurs de leurs taudis où j'entrais, je fus surpris de voir presque toutes les Indiennes faire de la dentelle de fil. Partout, en outre, une perruche privée était attachée à un bâton fiché au mur. Pendant cette promenade, j'eus du moins la satisfaction de rencontrer quelques beaux perroquets à l'état tout à fait sauvage.